Ce matin, dans la Fabrique de l'Histoire, nous allons vous présenter deux livres récemment parus, l'un éclairant l'actualité de la semaine écoulée, l'autre nous introduisant à la thématique de notre semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine qui commence aujourd'hui, l'amitié. Commencer. Nous aurons le plaisir de recevoir Sabine Dulin, qui est historienne, professeure à Lille 3 et qui publie aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales La frontière épaisse avec un sous-titre aux origines des politiques soviétiques 1920-1940. Elle y explique comment l'obsession des frontières a mobilisé le régime soviétique des années 20, justement à ces années 40, bien avant l'instauration d'un rideau de fer en Europe. Un éclairage utile en ces temps de conflit russo-ukrainien. Et puis nous passerons de l'amitié entre les peuples à l'amitié tout court pour ouvrir notre semaine consacrée à l'amitié et son histoire. Perrine Carvan et moi-même recevrons Antoine Debac, auteur chez Payot de Histoire d'amitié, dans lequel il raconte quelques couples d'amis célèbres, hommes et femmes, depuis le XVIIIe siècle. Ça va évidemment de Voltaire à Madame et Madame Dudefant à Nicolas Chamfort, Honoré de Mirabeau ou encore Robespierre et Desmoulins. Et ça vient jusqu'au XXe siècle. Bonjour Sabine Dulin. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ouvrir cette semaine, donc, et en particulier pour éclairer l'actualité de la semaine écoulée avec un livre qui est tout à fait d'actualité, bien qu'étant préparé de longue date, puisque c'est le résultat d'une habilitation à diriger des recherches, La frontière épaisse, paru aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Et si nous avons passé ce standard de la chanson russe et soviétique, c'est parce que, en fait, peu de gens le savent, j'imagine que même personne ne le sait, au troisième couplet de cette chanson, Katyushka, eh bien, qui a été écrite en 1938, il y a ces vers « Vol au vent, vol chanson légère, vers celui qui au loin s'en alla, vers celui qui garde la frontière, porte le salut de Katyushka ». Alors, ça veut dire que la Russie soviétique des années 30 est absolument obsédée par cette question de la frontière, Sabine Dulin ? Alors oui, en fait, d'ailleurs j'ai découvert ce sujet finalement avec des amis russes qui me montraient leur bibliothèque et tous les romans de jeunesse qui racontent des histoires de gardes-frontières et d'espions. Donc en fait, on est vraiment dans une culture populaire très spécifique à l'URSS qui se met en place d'ailleurs dans les années 30. Donc vous parliez de Katyusha en 1938. Et au même moment, on a aussi la superbe, dans les sculptures qui sont édifiées, qui sont dans le nouveau métro de Moscou, on a au milieu de la Kolkhozienne et de l'ouvrier le garde-frontière et son chien. Donc c'est vraiment un héros de l'épopée soviétique au milieu des années 30. Et effectivement, ça relève d'une obsession des frontières que j'ai essayé d'inventorier. Voilà, vous avez essayé de l'inventorier pour ces années-là, mais néanmoins, ça nous permet peut-être de mieux comprendre l'actualité de ces derniers temps, cette actualité qui, évidemment, insiste beaucoup sur ces frontières du Donbass, sur ces frontières évidemment du rapport entre l'Ukraine et la Russie. Il y a toujours une obsession de la frontière, encore aujourd'hui, selon vous, Sabine Dulin, qui remonterait à ces années-là et qui ferait peur aux dirigeants du Kremlin, quels qu'ils soient ? Alors, en fait, il me semble qu'il y a toujours eu une inquiétude en termes de vulnérabilité du territoire, déjà à l'époque impériale, donc c'est pas quelque chose qui est purement soviétique. Mais c'est vrai qu'il y a une nouveauté de la période soviétique. Cette nouveauté, c'est le regard très manichéen sur ce qui se passe à la frontière. Donc, il y a l'ennemi d'un côté et ce qui est nôtre de l'autre. Et là, on est complètement dans ce qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a eu cette révolution à Kiev et ce changement de gouvernement, on a l'impression dorénavant, en vue de Moscou, que l'Ukraine est devenue un pays pro-européen, pro-OTAN. Et donc, finalement, on est dans une logique de l'ennemi. Et à partir de là, il y a volonté de mettre à distance cet ennemi en créant finalement des zones tampons, en épaississant la frontière de manière à reculer cette menace. Alors, c'est le titre de votre ouvrage, donc paru aux éditions de l'École des études en sciences sociales, La frontière épaisse. Et vous y développez cette idée que, effectivement, eh bien, les dirigeants soviétiques vont petit à petit instaurer une sorte de doctrine, pourrait-on dire, dans ces années 20 et ces années 30, qui est nous sommes une sorte d'île. Staline dit d'ailleurs méfions-nous de cette île parce que les ennemis sont aux portes, juste aux portes de cette île. Nous sommes une sorte d'île et il faut donc mettre un peu de distance avec toutes ces puissances capitalistes qui ne veulent qu'une chose, notre mort, Sabine Dulin. Alors en même temps, la frontière épaisse, c'est quelque chose d'assez polysémique, puisque malgré tout, les bolcheviks au départ ont un projet d'abolition des frontières. Oui, au départ, c'est ce qu'ils veulent. Et ont un projet de sorte de front pionnier de la révolution, censé porter la révolution donc au-delà de la frontière telle qu'elle existe, enfin de la ligne finalement de frontière telle qu'elle se met en place au début des années 20. Donc on est dans une logique, de toute façon, d'influence à l'extérieur, et c'est aussi ça la frontière épaisse. Donc c'est l'idée de quelque chose qui ne s'arrête pas justement à la ligne frontière, mais et évidemment, dès l'instant qu'on est dans un combat idéologique, eh bien, il s'agit aussi de se prémunir contre les ennemis de l'autre côté de la frontière. Et du coup, on construit une frontière qui devient une ligne sacrée et aussi une ligne de plus en plus épaisse avec des zones de plus en plus larges. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect aussi, c'est que je voulais... C'est aussi une histoire de méthode d'investigation historique. Jusque-là, la frontière était quand même un objet essentiellement porté par les géographes et les géopoliticiens. Mmh. Il y a peu de travaux sur la frontière au XXe siècle. Et moi, je voulais vraiment montrer que la frontière, c'est d'abord des institutions et des acteurs. Mmh. Et donc, chacun a sa vision de la frontière, a une épaisseur de frontière en fonction de son activité. Et donc, on a un effet frontière qui est plus ou moins large. Donc, par exemple, en 1932, je cite... le fait que pour Staline, toute l'Ukraine est une frontière à ce moment-là. Toute l'Ukraine soviétique est une frontière. Mais pour le garde-frontière, la frontière, c'est 7,5 km de zone frontière. Donc alors, on a des variations. Vous inspirez beaucoup des travaux de Peter Salins, qui avait travaillé sur la frontière franco-espagnole, en particulier à une époque. Et vous voulez évoquer justement ce moment très particulier où après... la pause de la guerre civile, après la fin de la guerre civile, eh bien, les frontières se stabilisent plus ou moins, en particulier à l'ouest, mais également sur le reste du territoire soviétique. Pourquoi, dites-vous, vous travaillez sur la totalité de la frontière soviétique dans votre ouvrage « La frontière épaisse », Sabine Dulin, mais pourquoi insistez-vous plus sur cette frontière occidentale, même si vous parlez de loin en loin de la frontière de l'extrême-orient soviétique ou des frontières assez compliquées que peut avoir, par exemple, l'Union soviétique à l'époque, avec la Perse ou avec l'Afghanistan, par exemple. Alors oui, effectivement, c'est très important de citer le nom de Peter Salins, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a renouvelé profondément les travaux sur la frontière. Et je pense que ce que j'ai vraiment appris de ces lectures, c'est l'idée d'une frontière processus-apprentissage. C'est-à-dire la frontière n'est pas donnée en tant que telle, et elle met du temps à s'installer, en fait, sur les territoires et dans les populations. Alors, oui, j'ai... D'un côté, quand on regarde les archives à Moscou, on a vraiment une vision d'une politique globale des frontières à l'échelle de l'ensemble du territoire soviétique. En même temps, il est évident que la frontière, la nouveauté, l'innovation de la frontière soviétique, c'est vraiment en Europe qu'elle se passe, parce que c'est là qu'il y a un conflit idéologique fort. Mmh. On peut dire que sur les frontières méridionales, on est dans du post-colonial, avec une volonté des soviétiques d'ailleurs de nouer des liens d'amitié, même si c'est une amitié toujours un peu compliquée, avec la Perse, l'Afghanistan, la Turquie. Et de ce fait, les frontières sont plus des frontières de collaboration, notamment dans les années 20. Et puis la frontière d'Extrême-Orient est une frontière qui reste assez typiquement militaire, surtout dans les années 30 avec la menace japonaise. Donc la frontière européenne a quand même quelque chose de très spécifique, parce que c'est là qu'on a véritablement le conflit idéologique, qui est la première guerre froide finalement en Europe, entre ce nouveau régime bolchevique contre lequel se sont intervenus les Français, les Anglais pour soutenir les anti-bolcheviques, et les nouveaux États qui sont construits à l'issue du démantèlement des empires, donc Pologne, Finlande, États baltes, qui sont ces États qu'on appelle souvent les États du cordon sanitaire et qui sont censés barrer la route à la révolution bolchevique. Dès ce moment-là, du coup, la frontière a une dimension idéologique forte. Et du coup, c'est intéressant de voir comment on construit une frontière dans ce contexte. Alors, vous racontez, pour commencer votre livre, une sorte d'anecdote, mais une anecdote à laquelle vous n'avez pas cru pendant un certain temps. À un moment, les gardes-frontières racontent que sur le Pripyat, donc la rivière qui sépare la Pologne du territoire soviétique à ces moments-là, ils voient arriver des milliers d'éprouvettes. Des éprouvettes qui sont bouchées par un bouchon. Et dans ces éprouvettes, il y a des tracts qui disent aux paysans en particulier, ne fournissez pas de votre blé pour l'Union soviétique, etc., etc., qui sont là, théoriquement, ces tracts pour empêcher justement la propagation de la religion soviétique à l'intérieur même de ce territoire à peine conquis par l'Union soviétique. Et vous dites, au départ, je n'ai pas cru à cette histoire-là, j'ai cru que c'était une histoire que se racontaient les gardes-frontières, et vous avez trouvé la preuve, effectivement, que c'était une opération de déstabilisation voulue depuis Varsovie par le général Piłsudski, maréchal Piłsudski, qui l'avait ensuite mise en œuvre. Sabine Dulin. Oui, à la limite, c'est presque un argument pour Poutine, de dire que finalement, il y a des entreprises de déstabilisation et que ça légitime de ce fait le contrôle et la surveillance des frontières. C'est vrai qu'à l'époque, on a tellement d'histoires incroyables racontées par les gardes-frontières soviétiques sur des tentatives d'entrée sur le territoire de la Pologne, de forces contre-révolutionnaires, d'espions, etc., qu'on finit par mettre en doute toute cette affaire. Alors, très souvent, c'est effectivement une surpolitisation de passage de frontières, tout ce qu'il y a de plus anodin. Mais là, dans ce cas-là, on voit bien qu'on a des vrais... on est vraiment dans un univers assez poétique à la frontière. Pensez à envoyer des éprouvettes avec des tracts qui demandent la libération des paysans d'Ukraine contre les bolcheviks. C'est effectivement des méthodes assez... assez pieds nickelés pour essayer de déstabiliser le... Alors, bien sûr, j'ai pris un exemple très, très amusant, mais très après, il y en a beaucoup d'autres qui sont un peu plus lourds de conséquences. Ah oui, parce que vous expliquez aussi combien, à certains moments, les forces soviétiques traversent la frontière pour aller en Pologne et commettre des actes de guerre, d'une certaine façon, et revenir ensuite. Donc, on voit bien que ces frontières ne sont pas totalement... fermé. Comment se met en place justement avec les États baltes, avec la Finlande, avec les pays voisins de ce front occidental qu'ils considèrent comme un front ennemi? Comment se met en place justement cette frontière épaisse que vous nous décrivez, Sabine Dulin, dans laquelle on dit par traité, on aura tant de kilomètres du côté de la véritable frontière, tant de kilomètres de l'autre côté, qui seront des sortes de zones tampons dans lesquelles nous empêcherons quiconque d'entrer, dans lesquelles nous aurons un contrôle accru, avec une épaisseur de frontière bien plus large que ce qu'on peut imaginer habituellement, Sabine Dulin. Ça se met en place quand, ça? Alors, en fait, disons qu'il y a deux découvertes que j'ai faites dans les archives. La première, c'est que d'abord, la frontière a mis du temps à se fermer. Donc, jusqu'au milieu des années 30, en fait, la frontière reste assez ouverte, poreuse. Même s'il y a déjà, bien sûr, des arrestations et des gens qui risquent quelque chose en passant la frontière. L'autre élément qui est vraiment intéressant et qu'on connaissait mal jusque-là, c'est finalement l'idée d'une co-construction de la frontière. Mmh. C'est-à-dire, la frontière se crée avec les traités de paix en 1920-21. Mais en fait, elle met du temps d'abord à être bornée, c'est-à-dire mettre les poteaux frontières, c'est compliqué parce que les populations ne sont pas d'accord avec la frontière. Donc il y a des attentats contre les commissaires démarcateurs, etc. Ce qui fait que, par exemple, la frontière avec la Pologne n'est démarquée, bornée, qu'au printemps 1922, donc un an après le traité de Riga. L'autre élément important, c'est donc dans la co-construction de la frontière, c'est l'idée qu'il faut d'abord réduire le banditisme, la contrebande, tout ce qui se passe en zone frontière, dans une situation aussi de sortie de guerre, où c'est vraiment le chaos et les destructions massives. Et de ce fait, on a pourtant entre États ennemis, hein, puisque les Polonais et les Russes se détestent, les Baltes et les Russes se détestent, ont construit quand même ensemble une zone tampon avec 16 km de chaque côté de la frontière, dans le but de contrôler ce qui s'y passe, de désarmer les populations et d'arriver donc à pacifier en fait la frontière. Donc ça, c'est quand même une chose intéressante de voir comment, même quand on est en situation d'hostilité idéologique, on travaille ensemble en tant que constructeur d'un territoire avec la souveraineté de l'État sur ce territoire. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont peur les uns des autres ? C'est-à-dire que chacun des deux belligérants potentiels se disent qu'il vaut mieux établir cette zone tampon plutôt que d'avoir juste une petite ligne au-delà de laquelle on pourra passer trop facilement ? C'est aussi effectivement l'angoisse de l'incident frontalier qui pourrait redéclencher une guerre. Dès l'instant qu'il y a des populations armées et dès l'instant qu'on est effectivement dans des malentendus possibles immédiats, étant donné l'hostilité idéologique, il y a toujours le risque donc qu'un incident débouche sur un retour du conflit et de la guerre civile dont on vient de sortir. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est que les Soviétiques vont utiliser cette zone tampon bilatérale pour faire leur propre travail de mise à distance de l'ennemi. Donc ils vont d'abord être dans l'ingérence permanente dans la zone d'en face. Et puis par ailleurs, ils vont construire donc une zone frontière interne, qu'on a appelé la zone spéciale, puis la zone interdite, avec là un contrôle très important des populations frontalières. Alors, c'est là où intervient la figure du garde-frontière dont on a parlé au début de notre entretien avec vous, Sabine Dulin. Dans ces années 30 en particulier, eh bien, vous nous montrez, et c'est une véritable découverte, combien la propagande utilise cette figure du garde-frontière pour le rendre sympathique. Cette statue de Marvel Manizer à la station de la place de la Révolution à Moscou, avec d'autres, les ouvriers, les paysans, etc., qui symbolisent la Révolution, mais également des films, de très nombreux films dont vous nous dites que ce sont un peu des films, l'équivalent des westerns pour les Américains, c'est-à-dire que ce sont des films qui traitent de ces gens qui sont au-delà des territoires habités, dans des endroits relativement vides et qui permettent de traiter des grands espaces dans le cinéma soviétique stalinien des années 30. Sabine Dulin. Oui, alors il y a vraiment toute une production. Alors, au cinéma, c'est amusant de voir qu'il y a plus de gardes-frontières que de travailleurs dans le cinéma soviétique des années 30. Donc on a par exemple ce magnifique film de 1935, Jules Bars, qui se passe au Pamir. Donc là, c'est vraiment sur la frontière de l'Afghanistan. J'ai cru comprendre, c'était complètement un peu puisqu'on a comme personnage principal un chien. Hein, c'est le chien garde-frontière, puisque dans les années 30, on va avoir le garde-frontière et immédiatement associé le chien. Donc c'est vraiment un univers qui se développe et qui fait d'ailleurs qui crée des vocations. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui à l'issue de leur service militaire s'engagent dans la garde frontière parce qu'ils rêvent justement d'aller garder la patrie dans les territoires justement aux frontières du Pamir, dans des endroits absolument exotiques. Sur la frontière européenne. L'exotisme est très différent. On est dans des marais, des forêts, donc on n'est pas du tout dans le même type de paysage. Alors, il y a évidemment le héros de fiction, mais vous nous dites qu'il y a aussi des héros réels, un peu l'équivalent de Stakhanov pour les ouvriers. Il s'appelle Nikita Karatsoupa, c'est ça ? Il est mort en 1994, Sabine Dulin, et il a été pendant au moins une bonne vingtaine d'années, même un peu plus, le héros des gardes-frontières. Il a véritablement vécu, et lui et son chien sont devenus des sortes de symboles vivants de la garde de la frontière soviétique. Oui, c'est un personnage qu'on retrouve même dans beaucoup de romans récents, les frères Weiner, la corde et la pierre, etc. Il y a beaucoup de romanciers russes qui évoquent ce personnage de Karatsoupa et de son chien Indus ou Ingus, ça dépend. Et donc il s'agit d'un garde-frontière en Extrême-Orient, mais qui a eu comme métier principal de dresser des chiens de garde-frontière. C'était à l'origine son métier. Et puis ensuite... Ensuite, elle est formée les Vietnamiens à garder leur propre frontière. Alors, il a effectivement... D'abord, donc on calcule chaque héros garde-frontière, on calcule son nombre de prises. Hein. Donc c'est vraiment, on est à la chasse. Donc le nombre de contrebandiers attrapés, le nombre d'espions attrapés, etc. dans sa vie. Donc c'est ça, la réalisation, avec des décorations en général. Et effectivement, Karatsoupa ensuite a été porté, en fait, l'expertise du garde-frontière soviétique dans plusieurs pays, dont le Vietnam. Et il a créé aussi le musée des gardes-frontières qui reste aujourd'hui à Moscou une sorte de réservoir de soviétisme assez incroyable. Alors, tout de même, vous nous expliquiez tout à l'heure que ces soviétiques ont un petit problème avec la frontière puisque normalement, ils devraient la dépasser pour faire de l'internationalisme prolétarien. Ensuite, ils sont bien obligés de prendre en compte cette question-là, mais il n'y a pas simplement la frontière extérieure. Vous nous expliquez aussi que cette question de la frontière, des frontières intérieures est une question qui est largement débattue, en particulier du temps de Lénine, entre ceux qui veulent créer des républiques autonomes, qui veulent, comme Lénine, développer cette autonomie et cette identité, pourrait-on dire, de république. Et puis, ceux qui disent, non, il faudrait faire un grand territoire soviétique sans aucune frontière. Déjà, on serait déjà sur le bon chemin, Sabine Dulin. Oui, alors en fait, une des innovations soviétiques des années 20, si on compare à ce qui se passe dans le reste de l'Europe, où il y a la construction d'États-nations avec l'idée d'un peuple sur un seul territoire, c'est que les soviétiques vont jouer finalement la carte d'une sorte de non-homogénéité du territoire avec des républiques nationales, des républiques autonomes et aussi donc une logique de piémont dans le sens italien du terme. C'est-à-dire que sur la frontière occidentale se crée une république de Carélie, une république de Moldavie, une république, une volonté d'influer sur les populations ukrainiennes et biélorusses qui sont à ce moment-là en Pologne. Donc il y a une logique de piémont, mais cette fois-ci, ce n'est pas du piémont comme aujourd'hui Poutine pourrait le faire, c'est-à-dire d'essayer d'influer sur les minorités nationales russes à l'extérieur du territoire. Là, chez les bolcheviks, on est anti-russe en général, et donc on soutient les minorités nationales autres que les russes, donc les moldaves, les caréliens, les ukrainiens, les biélorusses. Et d'ailleurs, au bout du compte, Staline, qui était comme sa première fonction dans le gouvernement bolchevique, c'était d'être commissaire aux nationalités. Ouais, absolument. Et donc, c'est lui qui a réalisé, d'une certaine manière, la Grande Ukraine, hein, qui est aujourd'hui mise à mal par les Russes, donc qui seraient là pas du tout des héritiers de Staline. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces espaces qui sont donc inventés autour de la frontière soviétique, Sabine Dulin, d'expérimentation, de nouveautés, y compris en matière de répression, et en quoi ces espaces-là sont à la fois des espaces de peuplement, puisque vous nous expliquez bien que, un peu comme l'Empire romain va doter des soldats à la retraite de petits lopins de terre sur le limès pour pouvoir asseoir ce limès romain face aux barbares qui menacent, et bien là, en l'occurrence, on va faire venir ce qu'on appelle les Cosaques rouges pour pouvoir s'installer avec leur famille dans ces espaces-là. Mais en même temps, ça va être aussi des espaces de répression. Qu'est-ce qu'on y invente dans ces espaces justement intermédiaires, Sabine Dulin ? Alors là, c'est effectivement à la frontière qu'on voit véritablement comment un régime met en place des politiques sur son territoire. Donc il y a la volonté dès les années 20 de contrôler très fortement les populations qui vivent à la frontière dans une logique de fiabilisation du territoire. Et c'est en fait dans la zone frontière que s'invente l'identification des personnes, la passeportisation, puisqu'il ne faut pas oublier qu'au moment de la Révolution, on abolit tout ce qui était passeport intérieur de l'époque soviétique. Donc on n'a plus de papier. En URSS, dans les années 20, on n'a pas de papier. Et donc les premiers papiers sont réintroduits dans la zone frontière avec véritablement un contrôle très très précis des populations et des listes, et notamment des listes aussi de personnes suspectes. Les minorités frontalières, les Polonais, les Allemands, parce qu'ils ont des liens avec l'autre côté de la frontière. Ah, c'est ambigu, parce que d'un côté, on voudrait influencer les Polonais de l'autre côté de la frontière pour les faire ramener chez soi, et en même temps, on est critique et on essaye de faire de la répression sur ceux qui sont à l'intérieur de ses propres frontières. C'est toute la contradiction, enfin l'apparente contradiction de la politique soviétique, c'est qu'à la fois, on veut influer sur l'extérieur et on veut se prémunir de l'extérieur. Et de ce fait, on cible certaines populations. Alors, on cible pas les Ukrainiens qui sont à ce moment-là considérés comme justement des populations qui sont susceptibles de pouvoir porter un certain irrédentisme à l'égard des Ukrainiens qui sont en Pologne. Mais en revanche, on cible les Polonais et les Allemands qui, eux, sont considérés comme des populations dangereuses, notamment dans les années 30, avec la montée en puissance du danger militaire hitlérien. Et de ce fait, on a vraiment une volonté de contrôler la frontière. Et aussi, donc, c'est dans les zones frontières que se développe les premières déportations, les premières expulsions de population. Ça va devenir un phénomène massif dans la deuxième moitié des années 30, avec par exemple 170 000 Coréens qui sont déportés au Kazakhstan de la zone frontière d'Extrême-Orient. Et sur les frontières occidentales, on a la déportation dès 1935 de 15 000 familles, par exemple, polonaises et allemandes, alors que ce qui correspond à 57% des expulsions, alors que c'est 4% de la population. Donc on est vraiment dans un ciblage de plus en plus ethnique des populations jugées dangereuses parce qu'elles ont des liens avec l'extérieur. En fait. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. 9h31 sur France Culture. Nous sommes encore pour quelques minutes avec Samine Dulin qui vient de publier donc son ouvrage La frontière épaisse aux origines des politiques soviétiques 1920-1940 aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Alors vous vous arrêtez en 1940 puisque c'était votre sujet d'HDR, comme on dit, d'habilitation à diriger des recherches. Mais le magazine L'Histoire vous a demandé pour son dernier numéro qui vient tout juste de paraître sous le titre Les Russes et leur empire de poursuivre donc jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pensez justement que cette conception de la frontière, dont vous dites qu'elle est quand même très marquée par Staline, le stalinisme de ces années-là, a perduré d'une façon ou d'une autre sous les autres régimes, enfin sous la continuité du régime, à savoir sous Khrouchtchev, sous Brejnev, sous les successeurs de Brejnev, et même après la chute de l'Union soviétique et de Gorbatchev, sous Yeltsin et aujourd'hui sous Poutine, Samine Dulin? En fait, c'est un peu le sens de ce livre aux origines des politiques soviétiques. C'est l'idée vraiment de montrer qu'il y a une matrice qui s'est mise en place dans ces années 20-40 et qu'à partir de là, on va avoir donc une continuation des mêmes principes et des mêmes pratiques. Donc on a d'abord, bien sûr, la mise en place du rideau de fer, donc cette fermeture de la frontière qui s'est inventée dans l'entre-deux-guerres, qui a mis 15 ans à se mettre en place, en fait. Elle va être exportée dans tous les pays de l'Est très rapidement dans le contexte de la guerre froide. Donc il y a un savoir-faire de la fermeture de la frontière qui est exporté à ce moment-là. Et puis cette obsession de l'ennemi aux portes, cette impression qu'il y a toujours des places d'armes contre l'URSS en Europe occidentale ou sur les autres parties sur le pourtour de la frontière soviétique, c'est vraiment quelque chose qui se maintient dans le contexte de la création de l'OTAN, dans le contexte même de la période khrouchtchevienne avec le mur de Berlin et cette vitrine de Berlin-Est contre Berlin-Ouest. L'intervention en Afghanistan peut avoir, par exemple, une explication en allant regarder de ce côté-là, justement, Samine Dulin, en 1979. Complètement, d'un certain côté, cette idée de dédoublement des frontières, aussi d'arriver à créer des séries de frontières, comme c'est le cas dans le rideau de fer, où il y a trois frontières. Il y a la frontière de l'URSS de 1939, il y a la nouvelle frontière après les annexions de la guerre en 1945, et puis il y a la frontière du rideau de fer. Donc, d'un certain côté, les Soviétiques ont quand même trois frontières pour se protéger. Dans le cas de l'Afghanistan, on a une logique aussi de dédoublement des frontières, ou plutôt les gardes frontières vont patrouiller des deux côtés de la frontière, c'est-à-dire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ils sont appelés en amis, puisque c'est comme exactement. Ça. Exactement, donc c'est l'idée aussi de... d'arriver à créer des régions amies, des républiques amies sont susceptibles d'être des lieux où s'installent des bases militaires, où s'installe une présence soviétique, et donc un contrôle soviétique sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'étranger proche. Et pour ce qu'on en dit aujourd'hui, justement, vous nous avez dit que Poutine, par exemple, n'avait pas exactement la même politique en matière de frontières que ce que mettait en place Staline dans les années 30. Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce que vous y voyez encore, à part de la question de l'obsession, bien entendu, de cette question des frontières? Moi, il me semble que ce qui reste, c'est les techniques. Les techniques de mise en place d'une influence au-delà de la frontière, donc avec ces Russes qui sont au Donetsk, parfois des Russes déguisés. Ça, c'est vraiment une pratique qui existait déjà à l'époque. On a donc on a des techniques. On a aussi une technique de fermeture et de contrôle de la frontière, avec encore aujourd'hui un ciblage très fort des étrangers en Russie, avec par exemple le contrôle de tout ce qui est organisation financée par l'étranger sur le sol russe. Ce qui change véritablement, c'est la dimension du nationalisme russe. du temps des bolcheviks et du temps de l'ensemble de l'Union soviétique, en fait, le nationalisme russe n'est pas un moteur de la construction territoriale. Et même à partir des années 50, on a des nationalistes russes à l'intérieur du parti et à l'intérieur de la dissidence qui, justement, critiquent cette politique soviétique qui refuse finalement de s'occuper des Russes. Donc ça, c'est vraiment une dimension nouvelle. Et l'instrumentalisation des minorités russes à l'extérieur du territoire, c'est une dimension qui n'existait pas à l'époque soviétique. Donc l'époque soviétique a plutôt construit les autres nations, a construit les républiques d'Asie centrale qui sont devenues depuis des nations indépendantes, a construit la Grande Ukraine, même si, bien sûr, le régime stalinien a été très, très oppressif à l'égard de la population ukrainienne avec la famine, etc. Mais ça n'empêche pas qu'en termes de territoire, la Grande Ukraine est née à ce moment-là. Alors, tout de même, est-ce que vous discutez, Sabine Dulin, de ces questions-là avec vos collègues américanistes? Parce qu'en vous lisant, je me suis dit, tout compte fait, chaque fois qu'on pense frontière, on pense Turner. Chaque fois qu'on pense Turner, on pense obsession de la frontière au milieu du 19e siècle des Américains. Et on, évidemment, on file la métaphore jusqu'à la nouvelle frontière, au moins la nouvelle frontière de JFK, donc dans les années 1960. Donc, avec cette idée qu'il y a donc un peuple élu qui va comme ça conquérir les frontières, des frontières successives. Et en fait, on s'aperçoit, tout compte fait, que les Russes, à peu près à la même époque, inventent aussi cette théorie de la frontière et ne sont pas très éloignés, du moins c'est ce que vous dites, de cette vision donc, des borders à l'américaine. Oui, alors en fait, bon, ça c'est quand même une dimension impériale et aussi continentale. Hein. On est quand même dans des pays absolument immenses et avec une colonisation intérieure. Donc les paysans ukrainiens et russes qui partent exploiter la Sibérie ou les terres vierges du Kazakhstan au 19e puis au 20e siècle. Ont besoin d'un discours qui va avec. Sont des pionniers hein, du même type que ceux qui partent. Dans l'Ouest américain. Donc là, on est vraiment dans une frontière qui, effectivement, est assez constitutive de l'évolution de la nation et du territoire, dans les deux cas. Mais ça, c'est dès le 19e siècle qu'on a cette dimension-là, y compris chez les Russes. Merci Sabine Dulin d'être venue nous présenter votre dernier livre qui vient tout juste de sortir aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, La frontière épaisse aux origines des politiques soviétiques 1920-1940. Et puis on peut conseiller également à tous ceux qui s'y intéressent de lire le dernier numéro du mensuel L'Histoire, donc Les Russes et leur empire de Catherine Poutine. Vous y résumez en quelques pages évidemment la thèse que vous défendez dans La frontière épaisse. Merci encore Sabine Dulin. Merci beaucoup, merci beaucoup. La sonate numéro 7 pour piano de Prokofiev, interprétée par Boris Gilberg, qui donc Prokofiev avait obtenu en 1943 le prix Staline pour cette sonate numéro 7 pour piano. Bonjour Perrine Kervran. Bonjour. Vous êtes avec nous puisque vous avez préparé toute la semaine qui va venir dans la Fabrique de l'Histoire, une semaine consacrée à l'histoire de l'amitié. Et bonjour à vous Antoine Debacque. Bonjour. Vous venez pour justement un livre que vous publiez dans la collection des Manuels Payot, donc Histoire au pluriel d'amitié. Et on peut faire le lien avec Sabine Dulin, puisque une de ces histoires d'amitié se passe dans cet Extrême-Orient soviétique dont elle vient de parler. Ça s'appelle la poésie amicale de la taïga. C'est l'amitié entre Vladimir Arseniev, qui est un ethnologue russe et soviétique, et Derzou Ouzala, qui est un membre dans cette région-là d'une tribu qui intéresse Vladimir Arseniev. Et vous dites, il y a là une histoire d'amitié un peu particulière. Oui, c'est une histoire qui a été... En tout cas, qui m'a été montré par un film, hein, un film célèbre de Kurosawa. De Kurosawa, un film donc japonais mais produit par les soviétiques. On est dans les années 70 à ce moment-là, et c'est vrai que c'est d'une part un film qui pour moi est un film qui résonne assez fort dans mon adolescence cinéphile. Et puis, on y parle des grands espaces enneigés. Vous êtes un grand marcheur de montagne, donc c'est pour ça. Il y a quelque chose comme ça. Mais je me suis aperçu de ça en cherchant justement comme ça des histoires qui pouvaient m'intéresser pour l'amitié un peu particulière, un peu originale qui s'est mise en place. Et c'est vrai que ça résonne très fort aussi parce qu'il y a cette scène finale du film où la seule identité possible de cet homme d'Ersu, donc ce chasseur gold de la taïga, c'est d'être un ami. Il n'est pas justement, il n'est pas considéré comme un étranger ou comme il n'est pas classifié appartenant à une ethnie particulière, comme un être de la frontière justement. Il est considéré par Arseniev comme un ami. C'est sa seule identité. C'est ça que je trouve très beau de pour notamment Arseniev qui a participé un peu de cette pas forcément avec d'ailleurs une bonne volonté toujours évidente, mais il a participé de cette idéologie de la frontière, en tout cas c'est un explorateur. Il a un de ses rôles, une de ses missions, c'était de dessiner justement une frontière, hein, d'explorer, de dessiner, de comprendre ce qui se passait de l'autre côté, dans l'étranger, dans l'ailleurs. Et ce qu'il en rapporte, c'est son contraire. C'est-à-dire que c'est l'ailleurs devient son plus proche, devient presque lui-même. Perrine Carvan. Oui, et on peut se demander d'ailleurs en lisant ce livre, on voit bien donc il y a effectivement un intérêt cinéphilique puisqu'il y a beaucoup de références au cinéma. Mais ce qui vous a donné envie de traiter comme ça ce sujet de l'amitié, de le traiter à la fois de manière historique, au travers de la cinéphilie également, on s'est demandé avec Emmanuel, on se disait tiens, pourquoi un livre sur l'amitié ? Alors, ce qui a été mon moteur, c'est une sorte de réaction, c'est un petit peu un agacement, une volonté de mettre à distance, donc à distance historique, un usage de l'amitié qui est notre usage contemporain, enfin massif, qui peut Facebook. Être... Facebook, c'est ça. Voilà, il y a évidemment Facebook et cette instrumentalisation de l'amitié, comme quoi celui qui serait le plus heureux serait celui qui a le plus d'amis. Enfin, il y a une sorte d'idéologie de l'amitié qui aujourd'hui est extrêmement pesante et notamment sur, je dirais, ceux qui sont le plus sensibles et le plus fragiles, si j'ose l'expression, par rapport à cela, c'est-à-dire les adolescents, la jeunesse. Voilà, c'est cette injonction avoir de plus en plus d'amis, c'est-à-dire de moins en moins d'amis, en fait. C'était un petit peu ma réaction. Et puis, d'autre part, ce qui est peut-être plus sournois et qui me paraît extrêmement fort aujourd'hui, c'est une instrumentalisation, je dirais, libérale ou capitaliste de l'amitié. C'est-à-dire cette... Ça se monnaie, l'amitié. Oui, et puis c'est une... C'est non seulement avoir le plus d'amis permet de se faire des réseaux. Il y a toute une littérature, et j'étais très intéressé de voir que ça commence très tôt, notamment aux États-Unis. Avec Dale Carnegie, voilà, en particulier. Un livre fameux, paru en 1937. Comment se faire des amis ? Comment se faire des amis pour réussir dans la vie, où cette logique est évidemment à l'œuvre, mais c'est une logique qui est encore plus pernicieuse. Je pense que l'amitié fonctionne comme une sorte de fluide, capitaliste, on peut pas dire autrement, qui permet de rendre tout absolument souple et qui permet aussi d'arrondir en quelque sorte les relations. C'est-à-dire, se faire des amis, c'est à la fois réussir dans la vie, mais c'est aussi, évidemment, dans les logiques de DRH, pouvoir licencier plus tranquillement. C'est-à-dire que, évidemment, voilà, on est devant, c'est un flûte qui sert aussi qui met de la bonne entente entre guillemets hein, dans les relations sociales, y compris dans les périodes de crise comme aujourd'hui. Périne Caron. Oui, et d'ailleurs dans ce livre, finalement, les histoires d'amitié que vous racontez sont parfois des amitiés de ce genre où on s'utilise l'un l'autre finalement pour arriver à quelque chose, et puis surtout des histoires qui très souvent finissent mal. C'est-à-dire que ce qui est le point commun de toutes ces histoires d'amitié, souvent, c'est une fin, voilà, où les gens finissent en très mauvais termes, en ennemis jurés, ou voilà, dans la tragédie absolue. Ben il faut les mentionner, ces histoires d'amitié, parce qu'on ne les a pas dites pour l'instant, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal. Il y a donc Rousseau et Diderot, on sait comment ça se termine. Manon Roland et Sophie Canet, Champfort et Mirabeau, Robespierre et Desmoulins, là aussi ça ne se termine pas très bien. Chateaubriand et sa sœur, Flaubert et Maxime Ducamp, etc. etc. Truffaut-Godard, où ça ne se passe pas non plus très très bien, par exemple. Alors, justement, je pense que ça a été ma découverte et mon souci, c'est de montrer que l'amitié, ça ne sert pas justement ni à réussir dans la vie, ni à licencier tranquillement. C'est que l'amitié, souvent, ça sert à se disputer. Il me semble que c'est quelque chose qui est effectivement une constante de l'amitié. C'est-à-dire que l'amitié est d'autant plus forte qu'elle est fusionnelle et qu'elle est ensuite... Parsemée de brouilles et plus encore, je dirais, quel est l'affrontement de deux représentations, de deux visions de l'existence. Donc l'amitié, elle a été d'autant plus forte qu'elle est ça, justement. Elle est un moment d'entente sur cette vision de l'existence, et elle est aussi un moment de confrontation autour de cette question. Alors, on vous attend évidemment avec un livre comme ça, Histoire au pluriel d'amitié, avec, Montaigne, par exemple, Montaigne et la Boétie ou d'autres. Et puis, en fait, non, vous êtes spécialiste du XVIIIe siècle, vous êtes spécialiste du cinéma, et vous choisissez, comment vous les avez choisis, vos couples d'amis, hommes, femmes, hommes, hommes, chiens, puisqu'il y a aussi Belle et Sébastien, etc., etc. Alors, c'est au petit bonheur la chance, avec un peu non, de hasard. Il y a la volonté de composer quelque chose qui soit assez équilibré, évidemment, dans l'amitié homme-femme, dans l'amitié amoureuse, dans l'amitié haine, dans les milieux qui sont traversés, qui sont mis en avant, aussi bien des milieux politiques que littéraires. Donc il y a des grands modèles, si vous voulez, qui sont présents, et donc j'avais envie que, évidemment, ces grands modèles soient représentés. En même temps, il fallait aussi éviter un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler d'incontournables. Justement, on peut les contourner. Et Montaigne, la Boétie, ça a été tellement écrit, tellement décrit, que j'aimais mieux le garder. Il y a une deuxième partie du livre, une sorte de petite anthologie comme voilà. Ça, qui permet d'illustrer plus rapidement certains de ces grands modèles amicaux. Mais... non, la logique, évidemment, c'est une logique de plaisir d'écrire, essentiellement. Moi, ce livre aussi, c'est une sorte de plaidoyer pour ce qu'on pourrait appeler un historien toujours au travail, une sorte de logique de gamme, en fait, pour un pianiste. C'est-à-dire que voilà, l'historien, il a son laboratoire hein, qui est là, il peut faire rentrer des objets qui sont finalement assez divers. Et moi, ça a été un petit peu à la fois mon choix et puis mon plaisir, tout simplement. Et il faut bien... tenir compte de ça. Et quand on écrit. Exactement. Périne Cavrois. Oui, puis on voit bien aussi que ce qui vous a intéressé, Antoine de Bac, c'est la question de à quel point l'amitié peut être aussi un stimulant intellectuel et à quel point finalement dans ces histoires d'amitié, il y a des gens qui se nourrissent intellectuellement, qui font avancer comme ça leurs réflexions, leurs recherches. Est-ce que c'est aussi le cas quand on est un historien ? Alors on sait, il y a une histoire évidemment d'amitié historienne dans votre livre, qui clôt le livre, mais est-ce que c'est aussi quelque chose qui est important pour vous en tant qu'historien, ces affinités, ces amitiés qui font avancer aussi la recherche. Alors moi j'ai un rapport qui est assez particulier à l'amitié, c'est à la fois je pense que je peux le dire, j'ai peu d'amis en fait, alors c'est beaucoup de philosophes et de gens qui se sont penchés sur l'amitié disent que c'est un des critères de l'amitié, en fait, d'avoir peu d'amis. Et puis, d'autre part, je pense que l'amitié intellectuelle est quelque chose qui, moi, pour moi, est extrêmement stimulant. C'est-à-dire que mes rares amis sont effectivement plutôt des gens avec qui je peux partager, discuter, échanger sur ce qu'est notre métier, sur ce qu'est en tout cas nos recherches, nos méthodes, mais aussi évidemment la façon dont se constitue ce qu'on pourrait appeler une forme de communauté amicale, qui est aussi une communauté intellectuelle. C'est sûr que et dans ce cadre, il est évident que j'ai voulu absolument finir ce livre sur l'amitié entre Mona Ozouf et François Furet. Alors, vous terminez sur Mona Ozouf et François Furet, ce qui n'est pas très éloigné du sujet qu'on va développer toute cette semaine, puisque vous avez préparé, Perrine Kervran, pour l'émission de demain, un documentaire justement sur une amitié de 60 ans, une amitié intellectuelle entre Mona Ozouf et ses amis qu'elle a connus dans les années 50. Voilà, donc une histoire d'amitié féminine, donc trois amies, donc Nicole Ledouarin, Mona Ozouf, Michel Perrault, donc une biologiste multimédaillée, une Mona Ozouf, donc l'historienne, une des grandes historiennes de la Révolution française et puis de la République, et Michel Perrault, donc une des pionnières de l'histoire des femmes, donc c'est quand même pas n'importe qui. Ça vous a plu ? Voilà, c'est agréable à approcher, en tout cas, comme trio. Et donc, c'était l'envie à la fois de raconter cette amitié qui dure depuis le milieu des années 50, qui raconte aussi, d'une certaine manière, les Trente Glorieuses et l'élan qu'il pouvait y avoir dans ces années, qui était aussi, pour elle, un élan intellectuel. Et puis, la question du roman d'apprentissage, c'est-à-dire qu'est-ce que ces amitiés qu'on constitue quand on est adulte, qu'on a quitté son foyer, qu'on démarre sa vie, est-ce que ces amitiés-là sont importantes ? Qu'est-ce qu'elles produisent ? Qu'est-ce qu'elles déclenchent ? Et qu'est-ce qu'elles accompagnent ? Oui, parce que vous avez cet exemple-là de roman d'apprentissage avec Manon Roland et Sophie Canet. Dans votre livre Histoire d'amitié, Antoine Debac, vous expliquez qu'effectivement, elles se connaissent au collège, enfin, elles sont toutes gamines lorsqu'elles se découvrent. Je crois qu'il y en a une qui a 12 ans et une autre qui en a 14 à cette époque-là. Elles sont très, très amies, mais évidemment, à partir du moment où Madame, qui va devenir Madame Roland, va se marier, son mari lui demande une sorte d'exclusivité de l'amitié, elles vont être obligées de rompre et de casser, Antoine Debac. Oui, il y a dans le livre une sorte de laboratoire des sentiments, c'est-à-dire comment est-ce que l'amitié est rendue possible ou impossible par toute une série de situations qui sont des situations à la fois, je dirais, socialement et historiquement très marquées et qui en même temps, évidemment, se reproduisent de moment en moment, qui sont des situations de stabilisation sentimentale. Et bon, le mariage en étant une, mais je prends un autre exemple qui est là une situation d'instabilité totale, qui est le film d'Ernst Lubitsch, Sérénade à Troyes, qui me semble un magnifique cas d'école, quoi, un magnifique laboratoire de l'amitié, au sens où cette question est posée explicitement. Comment faire durer une amitié entre une femme et deux hommes, enfin une situation à la Jules et Jim, on va dire. C'est une sorte de pré-Jules et Jim, hein, des années 30. Et donc il y a tout l'éventail des situations et des réponses possibles à cette question est présenté dans le film, jusqu'à ce que l'héroïne appelle un gentleman agreement, qui se résume en deux mots: no sex. Alors, on va écouter un petit extrait de votre documentaire qu'on écoutera demain dans La Fabrique de l'Histoire, Perrine Kervran. Et là, c'est une amitié qui a résisté à tout, l'amitié de ces trois femmes, donc plus de 60 ans, Nicole Ledouarin, Michel Perrault et Mona Ozouf. On écoute. Nicole et moi, on a un parcours comparable parce que nos mères étaient institutrices. Et c'était important pour vous, justement, de travailler ? Oh. Mais la question ne se pose pas. La question ne s'était pas posée, non. La question ne se pose pas. Oui, être indépendante, c'était absolument essentiel. Ben, nos mères étaient déjà quand même, de ce point de vue, des modèles. Gagner leur vie, qui avaient travaillé. Oui. Donc, pas la mienne. Il n'y a jamais été question d'autre chose. Pas la tienne. Comment ça se fait alors que tu as eu ce désir Ah bah non, mais maman travaillait avec mon père. Ma mère, les devs de la comptabilité, etc., etc. Et mon père et ma mère étaient évidemment pour que je fasse un métier. Au contraire, ma mère me disait, faut pas que tu fasses comme moi. Et vous aviez des souvenirs communs, je ne sais pas, lors de moments, de loisirs, de promenades, de choses que vous avez faites ensemble à Caen, ailleurs de... Énormément. Oui, ça on en a. Pour vous citer un souvenir, je ne sais quelle année, ça doit être vers 56 par là, un de nos maris fait le discours de distribution des prix, parce que c'était toujours les jeunes qui faisaient ça. On prolonge toute cette cérémonie, on se retrouve à dîner, je ne sais plus chez lequel d'entre nous. On prolonge très tard, et puis le soir, on décide d'aller dans la forêt de Cinglé. La forêt de Cinglé est une forêt qui est tout près de Caen, et on s'est promené dans la forêt de Cinglé jusqu'à plus soif, et je crois qu'on a continué le soir suivant, prenant un peu de repos. Oui, on a vu le lever de soleil. Et on a vu le lever de soleil. Il me semble, oui, des nuits entières. Des nuits entières. Et qu'est-ce que je faisais de ma fille pendant ce temps-là, moi? Bah, tu avais Marguerite, non? Oui, j'avais quelqu'un. Tu avais quelqu'un et bon, il n'est pas exclu qu'on ait été dîner oui, on chez avait vous de pour temps, de temps en temps l'été de la partie. L'avoir à côté. Elle vous aimait beaucoup. Oui. Oui. Elle vous aimait beaucoup. Je me rappelle. C'est déjà beaucoup de plaisir d'entendre Nicole Ledouarin, Michel Perrault et Mona Ozouf, un extrait du documentaire qu'on écoutera demain, qui est signé avec vous, donc Perrine Kervran et Séverine Cassard. Ça sera donc la suite de cette histoire d'amitié que nous a raconté Antoine Debac avec son livre. Et on parlera mercredi de la question, d'une question importante, l'amitié médiévale. Voilà, l'amitié médiévale. Et puis la question donc, de l'amitié aristocratique et de la façon dont la pensée religieuse a aussi forgé justement cette notion d'amitié au Moyen-Âge. Et puis jeudi, on terminera avec non pas les copines, puisque là c'était non. Les copines, voilà, avec les copains, parce qu'on est très paritaire à la fabrique. Masculinité et féminité, donc en l'occurrence, on va parler des copains de régiment. Les copains de régiment, qu'est-ce qui se forgeait du temps en particulier du service militaire à l'intérieur des casernes, d'une amitié un peu particulière, soit pendant, en temps de guerre, soit en temps de voilà, paix. Voilà, anciens combattants, amitié de prisonniers de guerre, amitié, voilà, c'est les liens qui se forgent dans des situations extrêmes ou tout simplement lors du service militaire, dans ce moment de brassage. Vous avez donc le programme de cette semaine jusqu'à jeudi de la Fabrique de l'Histoire, donc programme inauguré, on l'a entendu, par Antoine Debac avec son Histoire au pluriel d'amitié paru chez Payot dans la collection Manuel. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet. Clément Daté était avec nous à la technique aujourd'hui et Séverine Cassard à la réalisation. Si vous voulez écouter cette émission ou la réécouter, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours, la télécharger pendant un an après sa diffusion. Laissez vos commentaires sur nos pages et vous ne vous gênez pas et c'est très bien. Et également, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Vous savez, on est très nombreux sur le groupe Facebook. On est presque, je sais pas, 8 ou 9 000, je sais même plus. Et j'ai 8 000 amis, vous savez. Voilà, donc Antoine Debac. Et puis, on pourra y trouver également les références à votre livre, Histoire d'amitié, Antoine Debac, ainsi qu'à celui de Sabine Dulin, avec laquelle nous avons ouvert cette émission, La frontière épaisse, aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales.